Les peuples progressistes du monde et les compatriotes coréens d'outre-mer font l'éloge du dirigeant Kim Jong-il qui s'éternise comme le soleil dans le cœur de l'humanité pour ses immortels exploits accomplis devant l'époque et l'histoire. Le président du Conseil suprême du nouveau parti socialiste roumain, le titulaire de chaire de la faculté politique de l'université de Damas-Syrie et Kim Hong-gyu, membre de la délégation de l'Association des sociologues coréens au Japon, ont dit que Kim Jong-il a donné le guide de valeur de programme pour l'émancipation du monde par ses activités dynamiques de penseurs et de théoriciens. Ils ont affirmé qu'il est éminent penseur et théoricien reconnu du monde. Le leader national du Parti mexicain des travailleurs et Ho Myung-do, permanent de l'Association générale des Coréens résidente au Japon, ont souligné que la direction de la révolution de Sun-gun de Kim Jong-il, durant plus d'un demi-siècle, est inscrite dans l'histoire politique mondiale et déclaré qu'il est grand promoteur de Sun-gun sans pareil, vénéré des peuples du monde. Le président de l'Association britannique d'études de la politique de Sun-gun et la présidente de l'Association générale des Coréens en Chine ont souligné que le camarade Kim Jong-il, père affectueux du peuple, a mené la vie la plus noble, la plus dévouée et pleine d'abnégation.